Vincent, bonsoir. Bonsoir. Commençons par votre actualité. Vous avez récemment signé sur un nouveau label, Season of Mist, après avoir sorti quelques albums chez Active Entertainment. Quelles sont les raisons de ce changement ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que Active Entertainment ont fait faillite, voilà. Parce qu'on était le seul groupe là-bas qui vendait des disques, donc après c'est bien parce que du coup ils s'occupaient bien de nous. Mais à un moment donné, vu qu'on était le seul à ramener de l'argent, il y a eu un problème. Donc la patronne du label s'est enfuie aux États-Unis avec ses dettes. Elle nous doit toujours quelques milliers d'euros, enfin bon c'est pas grave, on sait qu'on les reverra jamais. Et voilà, il nous fallait un label, et Season se sont proposés, ça nous a semblé être la meilleure offre, et nous voilà chez eux quoi. Surtout qu'il y a la possibilité avec eux d'envisager quelque chose avec les États-Unis, non ? Ils sont relativement ouverts avec ce marché-là. Eh bien, honnêtement, c'est pour ça qu'on a signé, mais pour l'instant, on n'a pas vu venir grand-chose. Donc voilà. Mais je ne vais pas me mettre à faire comme les groupes de métal qui disent du mal de leur label dans les interviews. J'ai toujours refusé de le faire, donc je ne le ferai pas. Et sinon, je voulais aussi te demander sur le dernier album, comment ça s'était passé, quel retour vous aviez eu, que ce soit sur scène ou les ventes d'albums, si vous en étiez satisfait. Les ventes d'albums, je te dirais tout de suite que j'en sais foutre rien. On ne sait absolument pas combien on en vend. De toute façon, en ce moment, déjà vendre des albums, c'est déjà merveilleux si on en vend un ou deux. Non, a priori, je pense que ça doit se passer pas trop mal, mais de toute façon, on n'a jamais été de gros vendeurs. Hein. Après moi il y a un truc qui me fait rire, je vois Acme qui ont sorti un album le même jour que nous. Je sais pas s'ils en vendent plus, mais en tout cas il y a deux fois moins de gens qui écoutent les morceaux sur MySpace quoi. Donc je me dis, avec un peu de chance on vend peut-être deux fois plus qu'Acme, bon enfin j'y crois pas trop. Non sinon les retours, les critiques ont été très positives, enfin tout le monde à peu près a compris l'esprit dans lequel on avait fait le disque, c'est-à-dire un truc assez rapide, bourru et rugueux et sans trop se poser de questions. Et puis sur scène, on joue pas l'intégralité de l'album, mais tous les nouveaux morceaux ont l'air de bien passer avec le public, donc voilà, c'est merveilleux. Vous avez sorti il y a 2 ans un album assez surprenant par rapport au précédent, Cult Movie. Avez-vous réalisé cet album purement instrumental pour faire taire les mauvaises langues qui prétendaient que vous vous complaisiez dans un style électro-indus un peu facile à leurs yeux ? Non, on l'a pas fait pour ça, mais c'est sûr que c'était une certaine satisfaction par rapport à un certain nombre de critiques auxquelles on avait eu droit. Le truc, c'est que pour les gens qui nous connaissent personnellement, c'est un album qui a surpris personne. Pour les gens qui nous connaissent, ils savent que Xavier, notre batteur, est dans un groupe de jazz. Ils connaissent mon lourd passé dans des groupes progressifs et psychédéliques, donc ils savent qu'on n'est pas les bourrins de base qu'on a pu donner l'impression d'être à un moment donné, qui était pour nous, enfin pas un rôle. Enfin, on a adoré faire de la musique ultra bourrine à un moment donné, mais c'était parce qu'on avait envie de faire ça. Mais c'est pas forcément le fond de notre personnalité quoi. On a peut-être un discours un peu plus construit que ça. Donc non, c'était vraiment une envie. Nous, on avait plein de morceaux comme ça et puis. Aboutissait à rien, et puis on s'est dit merde, voilà, on n'a rien à prouver de toute façon, on emmerde le monde, voilà, il y a des gens, des groupes qui, pour montrer leur côté fuck, font des déclarations bizarres, font de la provoque néo-nazie ou font des trucs pseudo-choquants, voilà, nous on s'est dit qu'on allait faire un truc totalement transgressif, c'est faire un album instrumental avec pas mal d'ambiance, et je pense que c'est... c'est finalement vachement plus transgressif que d'aller dire qu'on est fan d'Adolf Hitler, quoi. Tout aussi transgressif est la diversité de vos influences. Pour ma part, je ressens du Iggy Pop et du Alien Sex Fiend, notamment dans le jeu de scène. De quels artistes vous revendiquez-vous ? Alien et Iggy, c'est clair que ça fait partie de... C'est nos bases. Quand le groupe s'est monté au tout début, de toute façon, Sandrine et moi, on est des gros fans d'Alien. Bon, et puis Iggy, n'en parlons même pas. C'est une des bases des bases, quoi. Après, on a des influences qui vont vraiment de un peu de tous les côtés. On est en groupe, on est très influençable, quoi. On est vraiment très très. Quand on aime bien quelque chose, on a toujours envie de refaire le même truc. On a des morceaux entiers qui sont partis juste sur l'idée. Ah putain, j'aime bien genre ce morceau d'Underworld. On devrait faire un morceau pareil avec un gros pied. Et ouais, bon, à la fin, ça ressemblait pas tellement à Underworld, mais ça partait de là. quand on aime bien un truc, on essaie de le faire en général, voilà. Mais comme on n'est pas toujours... on n'est pas suffisamment technicien pour arriver à refaire les choses exactement comme elles sont censées être, ça finit par un espèce de grand melting pot d'influence. Moi, quand on me dit « vous faites un truc original », j'ai envie de hurler, mais non, ce qu'on fait est totalement anti-original. Nous, on est totalement inspiré de ce qu'on aime, et ce qu'on aime, après, par contre, c'est très varié, quoi. Ça va de Cure d'un côté à la techno hardcore de l'autre, avec tous les trucs entre les deux. Donc c'est difficile de définir les trucs qui nous ont le plus influencés. Après, c'est sûr, à choisir, ça serait Alien, Ministry, évidemment, enfin les vieux Ministry, Fœtus, Iggy, Rob et White Zombie, mais déjà ça commence à... Et puis en disant ça, j'oublie tout le côté dance, donc Sheep on Drugs, les Lords of Acid, etc. Ouais, on peut pas réduire nos influences à un panel simple, mais par contre on est clairement nous on est quasiment un cover band en fait, hein, à peu de choses près. On n'a jamais cherché à faire croire qu'on avait inventé quelque chose, hein. Vos influences néanmoins ne sont pas que musicales. On vous colle beaucoup l'étiquette cyberpunk par exemple. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? L'histoire du cyberpunk, disons que c'est un adjectif très facile, les gens comprennent si on met cyberpunk, voilà, les gens comprennent à peu près qu'il s'agit de musique à tendance punkoïde avec quand même des machines, mais c'est vrai que le lien avec le, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, mouvement cyberpunk, enfin rien que de parler de mouvement cyberpunk, c'est que c'est déjà mort, quoi. Enfin, ça fait 10 ans que le cyberpunk est mort de toute façon, quoi. Mais voilà, même le steampunk est en train de commencer à mourir à mon avis. Donc ça commence à me gaver l'histoire du cyberpunk parce que là il y a des intégristes là-dedans. On a l'impression qu'ils sont tellement branlés sur Gibson et Dante qu'ils ont oublié qu'il y avait autre chose dans la vie. Pourtant j'adore ça, mais à partir du moment où on sclérose un mouvement qui était vraiment là en ce moment, je suis en train de lire j'avais jamais lu, mais un bouquin un peu oublié qui est pourtant un des bouquins fondateurs. Alors en France, il s'appelle La Ballade de City de John Shirley, qui est le mec qui a découvert Gibson, quoi, qui a poussé Gibson à écrire au début. Et ce livre est complètement oublié, n'a jamais été réédité, je crois. L'auteur a été peu traduit et quand on relit ça, on s'aperçoit à quel point le mouvement de base était d'un anarchisme complet, mais surtout pas un anarchisme qui rentre dans les cadres, les dogmes des théories de Akimbe et autres conneries de ce genre. C'était vraiment un truc anti-autoritaire qui refusait toute assimilation à quoi que ce soit. À partir du moment où le cyberpunk devient une étiquette, une éthique, ou je sais pas, mais c'est la preuve que ça n'existe plus, quoi. Je crois que c'est Gibson ou Sterling qui disait la seule définition du cyberpunk, c'est que c'est tranchant. Voilà, quelque chose de tranchant, c'est cyberpunk. Voilà, bah à partir du moment où pour les gens, le cyberpunk, c'est Blade Runner, le jeu de rôle et Dantec, c'est plus très tranchant, à mon avis. Il y a aussi pas mal de bouquins qui sont souvent qui sont pas classés en cyberpunk parce que leurs auteurs ont refusé toute assimilation au mouvement, mais franchement quand on les relit, là j'ai découvert il n'y a pas longtemps un bouquin de K.W. Jeter qui était un des amis de Philip K. Dick sur la fin de sa vie, un bouquin qui s'appelle Le Marteau de Verre, et quand on le lit c'est totalement cyberpunk avec tout un développement sur la religion et les médias dans un futur proche et quasi concentrationnaire, et voilà, mais on l'oublie totalement généralement dans les listes de bouquins parce que l'auteur lui-même a dit je ne suis pas un cyberpunk, je ne l'ai jamais été, mais son bouquin ça l'est totalement, quoi. Voilà, c'est faut revenir aux sources, je crois, à ce qui a été écrit au début des années 80, même si c'est, on va pas le refaire maintenant de toute façon, mais historiquement c'était vachement bien quand même. Et justement, par rapport à ce mouvement cyberpunk, bon, qui utilise des couleurs assez flashy, mêlées avec des dreads et des mélanges un peu... ça a une influence assez particulière. Est-ce que le côté fluo n'a pas un peu aidé? Et d'où vient-il d'ailleurs ce côté fluo? Le côté fluo, c'est venu totalement par hasard. Toutes nos premières années, on voulait faire des trucs visuels parce qu'on était justement très fan d'Alien, d'Alice Cooper, de Skinny Puppy, mais on essayait des trucs visuels et ça marchait pas. Ou alors c'était pas terrible. Et puis un jour, On avait un bassiste à l'époque, il est revenu avec des lumières noires, il a dit on va les mettre et puis on va essayer des trucs avec des stabilos boss. Et on a essayé et on s'est dit putain c'est ça. Alors on s'est rendu compte après que le bougre, il nous l'avait pas dit, mais il s'était probablement inspiré de... Il avait vu le Batman, les Batman de Schumacher où il y a un gang de méchants fluo, et ça on l'a découvert après. Et en plus c'était l'époque où on avait des dreads, comme tout le monde, hein. Je tiens à signaler que c'était la grande époque des dreads à la fin des années, enfin au milieu, fin des années 90. Et quand on a vu bien plus tard ces trucs dans les films avec des méchants dreadeux et créteux tout fluo, on était là, ah merde, il aurait pu nous le dire, quand même on passe pour des cons. Enfin bon, maintenant on pourra dire que de toute façon on s'est inspiré du clip de Superbus, n'est-ce pas? Non mais il y a mon sosie dans ce clip quoi, donc je sais pas qui l'a réalisé, mais j'aimerais bien savoir si c'est quelqu'un que je connais, parce que si c'est le cas je vais aller lui demander des comptes un jour. Qui sait, peut-être une des personnes avec lesquelles tu as collaboré. Car vous multipliez les rencontres avec différents artistes, notamment un des membres du groupe Tamtrum, Sylvicius. Ça s'est fait, ça fait quelques années maintenant. Xavier, notre batteur, s'était joyeusement cassé la main après avoir pris du LSD et avoir voulu se battre avec une table. Et même quand on a pris de la drogue, la table elle est plus forte. Peut-être que s'il y avait été avec la tête, enfin je sais pas, enfin, en tout cas il s'est cassé une main, la bonne vieille fracture du boxeur, c'est-à-dire le métacarpe je crois, enfin bref, j'y ai eu droit aussi, mais moi c'était sans LSD. Et donc c'était une semaine avant une date où on jouait dans un très très gros festival, où on jouait genre, je crois que c'était avec l'Ofo Forel et Scatalites, enfin c'était un truc énorme quoi, où il y avait 10-12 000 personnes, donc on était là, bon on a une semaine pour trouver un batteur. Et en une semaine, le seul qui était assez crétin pour dire « Ouais, je viens et je le fais », c'est Sylvain, quoi. Et du coup, il a fait le remplacement tout le temps qu'a duré la convalescence de Xavier. C'est-à-dire, il nous a fait 2 mois de festival. Mais c'était une époque assez chaotique de notre parcours. On avait un clavier à l'époque qui, lui, s'était cassé non seulement le pouce, mais le pied à un concert. C'était... qui venait en béquille avec son clavier. Enfin, c'était un peu... C'était la grande époque du n'importe quoi. Mais Sylvain, de toute façon, on l'avait rencontré pas très très longtemps avant, mais ça reste nos amis les plus proches. D'autre part, votre intérêt va au-delà de la musique. J'en veux pour preuve les samples de vieux films, mais aussi votre dédicace à Coraline Trinity, objet d'un beau titre. Comment l'a-t-elle pris ? En fait, la dédicace et le fait qu'elle ait scénarisé une BD sur nous, ça s'est fait non pas en parallèle, mais un peu en même temps. En fait, on se connaissait depuis un petit moment avec Coralie via Internet. Et à l'époque, sur le forum Sriracha, ça parlera à quelques grands anciens. Mais puis pareil, il s'avérait qu'on a pas mal de points communs sur notre façon de voir la vie. Et puis on a un passé, un background musical assez similaire aussi, quoi. Coralie, c'est quelqu'un qui est entre la cold wave et le hardcore, donc ce qui est un peu mon cas aussi. Et puis pour rire, je trouvais que le titre Holy Trinity c'était assez drôle, donc j'avais lancé ça. Et puis elle était très contente. Et du coup, il y avait un projet de bande dessinée. Et puis elle a dit ah mais moi je vous le fais le scénario si vous avez personne. Bon voilà, ça s'est fait tout simplement à partir de là. Il y a des gens avec qui on s'entend immédiatement bien, de toute façon avec Coralie c'était le cas. Enfin, hors de Punish Yourself, dans le cadre de ton projet solo Cheerleader 69, tu as collaboré avec un musicien de dark folk très intéressant, Tat. Comment as-tu été amené à le rencontrer ? À vrai dire, je me rappelle même plus d'où on se connaît avec Antoine, par internet en tout cas. Mais je sais plus, enfin je pense que j'aimais bien sa musique, ou on a pas mal d'amis en commun. Enfin bref, on s'est retrouvé assez vite à un moment donné à collaborer via internet. Moi j'ai enregistré la voix sur un de ses morceaux, il m'a enregistré pas mal de trucs que j'ai pas encore utilisés mais qu'ils seront. Et on a un peu le même background lui et moi. C'est quelqu'un qui vient pas mal du rock prog, on a pas mal les mêmes références et puis c'est quelqu'un qui est capable de jouer n'importe quoi, c'est un vrai virtuose avec un énorme sens de l'improvisation en plus. Et comme c'est un projet Cheerleader où moi j'aime bien axer ça sur des rencontres avec des musiciens, alors après ça passe ou ça casse, tout le monde n'est pas forcément capable d'improviser et de faire un bon truc, mais alors avec Antoine, les quelques fois où on l'a fait, c'était très très bien. Et là, en l'occurrence, on est en train de chercher des dates pour un set commun où on ferait Cheerleader, Tat, et puis le mélange des deux, comme on a fait plusieurs fois. On a vraiment de toute façon la même vision des choses. Sauf que lui, c'est un garçon poli, agréable, qui ne boit pas d'alcool, qui ne prend pas de drogue. On passe notre temps à traîner sur la route avec des gens, donc à la fin, on finit par connaître un peu tout le monde, de toute façon, quoi. Il y a une espèce de... Les gens n'imaginent pas, en fait, mais il y a une espèce de comment dire, de... C'est comme Second Life, en fait, mais en vrai, quoi. Il y a la vie des vrais gens, et puis il y a le Second Life des gens qui traînent dans le milieu de la musique et qui ont une espèce de vie qui est pas virtuelle du tout, mais qui a une espèce d'univers avec ses propres règles et où tout le monde connaît tout le monde, mais y compris dans des trucs qui n'ont rien à voir. Quoi. Tu te retrouves à faire la teuf avec des gens dont tu n'as jamais écouté les disques et qui deviennent tes meilleurs potes. C'est souvent assez étrange. Il n'y a pas longtemps, on a joué avec Caravan Palace qui font de l'électro-gypsy. Vraiment rien à voir. Et c'était pas parti pour bien se passer à la base. Et on a fini dans leur tourbus à faire la fête avec eux. Quoi. C'est la magie de la musique. Oui, dernière question. C'était par rapport à l'évolution du public. Depuis le temps que vous tournez, est-ce que vous avez vu une évolution de votre public, des gens, le contact ou pas? Bah, ça évolue en permanence, le public. On a commencé, on jouait pendant très longtemps, on jouait devant des gens qui avaient notre âge ou qui étaient plus âgés. Et puis à un moment donné, il y a eu une espèce de retournement de tendance où on n'a rien compris, où on s'est retrouvé à voir des au début des teenagers et puis même des pré-ados à un moment donné qui venaient au concert. Et là, c'était presque un peu flippant de voir des hordes de gamins et de gamines débarquer. Tout peint et complètement hystérique. Ça, c'est un peu passé. Heureusement, ils ont grandi. Les nouveaux pré-ados de maintenant, on n'a pas assez de la mèche pour eux, quoi. Là, la génération de ma fille, ça lui, on fait déjà de la musique de vieux pour eux, quoi. Mais là, on est devenu un groupe transgénérationnel, puisque maintenant, on a les parents avec leurs enfants, ou alors les enfants qui amènent leurs parents. On commence à avoir nos fans les plus jeunes qui ramènent leurs parents assez âgés au concert en leur disant « Tu vas voir, ça va te plaire. » Et le pire, c'est que ça leur plaît. Et donc, techniquement, d'ici quelques années, je pense qu'on va avoir trois générations, puisqu'on va commencer à avoir les bébés de la deuxième génération. Donc, je pense qu'on va finir comme les Rolling Stones, quoi, sur quatre générations de public, à peu près. Mais c'est marrant, ouais, après on attire un public très très varié, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu une espèce d'afflux de baby butt assez incroyable. Ça s'est un peu calmé là. Maintenant, c'est revenu à notre truc de base où on a à la fois des punks, des gens qui sont absolument pas lookés, des métalleux, des goths, des rastas égarés, des skinheads encore plus égarés, malheureusement. Heureusement, ils sont pas très très nombreux, quoi. C'est de toute façon, nous on a l'habitude de voir n'importe quoi à nos concerts, donc et ça change pas. Allez, pour conclure, éclaire-nous sur une légende qu'on raconte à votre propos. Il paraît qu'à vos débuts, vous produisiez dans les fêtes de village pour une bière et un repas chaud. C'est vrai? Des fêtes foraines, oh, ça a duré même après les années 90. Je crois que la dernière fois qu'on a joué dans une fête de village, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Gers. Il y avait des lampions et tout. Mais nous, dans le milieu des années 90, on jouait n'importe où, mais même pas pour un repas chaud. Mais c'est ce qui fait qu'on a continué, c'est qu'on a une grande aptitude à la survivance, en fait. Je me rappelle, genre en 97, on était monté au Transmusical, on n'avait pas une date là-bas, on était monté avec un groupe électrogène, on s'installait dans la rue, dans des squats, on jouait dans des bars où on finissait, il n'y avait personne dans le bar, on n'en avait rien à foutre, on était prêt à jouer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Moi, si j'ai un conseil à donner au groupe qui démarre, mais faites ça, vous allez voir. C'est dur, mais ça finit par marcher. Bon, après, il y a un moment où il faut arrêter parce que sinon, on meurt. Donc, il y a un moment où il faut se poser un petit peu. Là, on a mis longtemps, mais après 13 ans de carrière, là, on commence maintenant à refuser les dates dans des squats. S'il n'y a pas le chauffage, ce genre de choses, mais il aura fallu le temps, quoi. Merci pour ces détails croustillants. À bientôt. À bientôt.